Mes amis. Oui. Quel début de semaine en fanfare! Vous le savez sûrement. Depuis hier, j'assure en partie la défense des pauvres politiques impliqués injustement dans cette sordide affaire de financement occulte de leur parti. Je peux vous dire, j'y ai pas été par quatre chemins, comme on dit à Rome. Alors, soi-disant, des millions et des millions de détournés, des travaux pour des écoles. Alors là, je suis tenté de dire... Et alors? Déjà qu'on leur fait des lycées tout neufs, assez bons, rien de gamin, si maintenant on peut plus grappiller un sou par ici, un sou par là, pour donner un petit coup de main à ceux qui font tant pour qu'on vive mieux chaque jour, à tous ceux qui disent que c'est scandaleux, je dirais juste une chose. Écoutez-moi bien, bande d'égoïstes. Les partis politiques ont besoin d'argent pour financer leur action de salut public. Vous croyez que ça se passe comment pour trouver la thune, hein? Vous croyez que c'est à nos pauvres hommes politiques dévoués de mettre la main à la poche? Ils le trouvent où l'argent, hein? Vous croyez qu'ils ont l'occasion d'aller travailler pour se financer? Bien sûr que non, puisqu'ils passent tout leur temps à se battre pour vous assurer une vie meilleure. C'est à ce moment-là qu'un ami m'a tiré sur la manche pour me dire qu'en fait, les partis politiques recevaient énormément d'argent de l'État, des impôts, et que les hommes politiques étaient grassement payés pour leur mandat. Presque autant que des animateurs radio du matin, c'est pour dire. C'est dire. C'est là que j'ai décidé de changer de discours. Mesdames, messieurs, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser, mais je crois que je me suis légèrement trompé. Je vais donc corriger le tir. Qu'est-ce que j'apprends? On me dit que l'argent était détourné, que des factures ont été gonflées pour aller financer les partis politiques. Mais bordel de choucroute, est-ce que c'est pas bientôt fini de venir vous goinfrer sur le dos des marchés publics, bande de mécréants en costard, tout droit sortis de l'ENA, l'école nationale de l'arnaque? Vous ne changez donc jamais les politiciens. Vous avez presque tout et vous voulez encore plus. Vous voulez nous saigner à blanc, nous, les petits électeurs contribuables. Qui plus est, et comme un symbole, sur le dos des écoles, avec des fonds qui pourraient servir à nos pauvres petites têtes blondes pour qu'elles soient moins connes. Vous n'avez donc de respect pour rien. Mais prenez garde, bande de mouflons putrides. Tout le monde a ses limites. Comme le disait Nadine de Rothschild avant de rencontrer le baron, un jour, il y en a marre de se faire baiser pour payer le resto sans jamais être invité à table, et là, c'est la révolte. Je sais de quoi je parle, une fois une radasse m'a quitté pour un serveur de chez Fludge. Bref. Vous n'êtes que des cancres là, vous méritez 100 fois la mort, et en attendant que cette dernière arrive, et qu'avec le fantôme de Boris Vian, nous allions tous cracher sur vos tombes, je propose qu'aux prochaines élections, nous allions uriner dans vos urnes. Président, je demande donc pour mes clients une sévérité des plus exemplaires. Une peine de prison sans sursis, une inéligibilité totale et à vie, ainsi qu'une amende qui leur fasse perdre leur froc pour plusieurs générations. Dankeschön. Inutile de vous dire, mon petit cri-cri, que comme le veut la loi qui demande qu'on défende son client, j'ai été écarté du procès. Peu importe. L'important, c'est que je me sois défoulé et que je me sois fait plaisir.